3, 2, 1. Knicks on fire tonight. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Oh, oh, oh, mince. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est de retour après une bonne petite trêve estivale. C'est pas encore la rentrée, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, pour les épisodes de l'été, on se devait de refaire un nouvel épisode. Et encore une fois, je suis bien accompagné avec Spider-Man, certes, mais aussi avec Choubix le Gaulois. Seb est avec nous pour cette émission. Comment vas-tu, Seb ? Bah, très bien. Salut, Joanie. De bonnes vacances. J'espère que toi aussi. Et oh puis, oui, ça a été mouvementé. Il y a eu beaucoup de choses. Et fallait qu'on en parle. Les Knicks n'ont pas beaucoup joué, mais... Enfin, du moins, ils n'ont pas joué sur les parquets. Ils ont joué ailleurs, sur d'autres terrains de jeu. Il va falloir qu'on en parle. J'espère que tu as suivi ce qui s'est passé. Et un puis petit... que t'es d'attaque. Un petit peu. Bon, je pense qu'on a pu lire mes petits billets d'humeur sur le sujet. T'étais en vacances, mais t'as été actif quand même. T'as été actif. Ah. Disons qu'ils nous ont donné matière. Les Knicks nous ont donné matière à... Toujours. Il y a toujours de la matière avec les Knicks. À réfléchir, à se poser des questions. À débattre. Et c'est ce qu'on va faire sur cette émission. Parce que, bah voilà, il y a différents points de vue dans la communauté des Knicks fans. Donc, on perd pas plus de temps. Et on parle de ce qui s'est passé et ce qui nous fait tant parler. Allez, c'est parti. On envoie le jingle et on attaque. Alors, on va commencer par rendre hommage à Léon Rose. Bah ouais, quand même. Parce que ça y est, hein, il enchaîne les moves cet été, et les signatures, et il distribue les millions de dollars. Et après Jalen Brunson... le chouchou, le neveu, pas le fiston, enfin si le fiston, parce qu'il y a le père maintenant dans le filleul, je cherchais. En tout cas, c'est la famille ouais. De Brunson. Après avoir touché son petit chèque de 104 millions de dollars sur 4 saisons, eh bien voilà, on avait prolongé Mitchell Robinson, le rookie qui donc succède à Charlie Ward depuis un petit moment et qui est prolongé par les Knicks, enfin. Qui rompait la malédiction. La malédiction. J'adore quand on parle de malédiction, quand on parle des Knicks. On dirait qu'on a été marabouté. Les marabouts sont à la mode en ce moment, apparemment. Visiblement, depuis le départ de Patrick Ewing, en effet, je crois qu'il y a dû avoir des marabouts jamaïcains qui ont dû faire des trucs pour les Knicks. Les marabouts jamaïcains. On en connaît un. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, si vous avez besoin d'essayer de trouver de quoi... régler quelques différends, quelques contentieux. La vidéo sera sponsorisée par Jean-Claude de Marabout. Allez. Non, mais voilà, fallait commencer cette vidéo déjà par rendre, on va dire, hommage à ce qui se passe et à la confiance donnée en notre Canadien, notre numéro 3, notre pick 3 de la draft 2019, le petit jeune R.J. Barrett. Voilà, prolonge l'aventure Onyx. Il n'y avait pas d'urgence pour le faire. Il était encore sous son contrat rookie. Il restait une saison au moins pour avant d'être agent libre restreint. Mais voilà, ça a été une décision qui est tombée cette semaine. Enfin, on enregistre dimanche, hein, pour tout dire. Mais en début de semaine, l'annonce a été faite. Sébastien, tu nous rappelles le montant ? Lundi, donc ça a été fait lundi. Donc on est sur un montant pour l'instant de 107 millions, donc sur 5 ans. Qui peut 107 qui peut monter à 120. Qui peut monter avec à 120. Le petit astérix en fonction des accomplissements individuels, voire collectifs. Je crois que s'il est All-Star, s'il est All-NBA, All-NBA Team, après je ne sais plus, je crois qu'il y en a un troisième, mais je ne me rappelle plus. En fait, tous les détails n'ont pas été encore réellement communiqués, hein, sur les conditions pour débloquer ces différents bonus, mais oui, le premier chiffre qui a été donné, c'est 120 millions sur 4 ans. Hein, c'est pas le max du max, il aurait pu aller au-delà en termes d'argent et en termes de durée. Donc ça, c'est aussi quelque chose à avoir à l'esprit. Hein. Les Knicks ont prolongé, effectivement, Léon Rose a parlé, a communiqué du moins par écrit, hein, parce qu'il n'est pas tellement présent dans la presse. Non. Ça pose Non, non. problème pour certaines personnes, mais bon, c'est pas grave. C'est pas ce qu'on lui demande non plus à Léon Rose. Mais en tout cas, voilà, c'est une prolongation qui est intéressante, mais qui n'est pas au max du max, dans la durée comme dans le montant. Et comme tu l'as dit, c'est 107 millions de garantie, Oui, sur 4, je me suis 120 trompé sur 5, c'est sur 4. si tu performes bien, quoi. Donc c'est pas mal parce que ça permet de voir un petit peu l'avenir avec RG. Même si, c'est jamais si simple que ça dans la sphère d'Enix. Et il aurait pu se passer des choses. Il aurait pu se passer des choses cet été. On aurait pu perdre RG. Hein. Il a fait de belles choses sur ses 3 premières saisons NBA. Il a progressé. Il a passé un cap, à mon sens, Ah oui. du moins sur la deuxième partie de saison l'année dernière. Est-ce que c'est mérité pour toi, ces 107, 120 millions? Est-ce qu'on a bien fait de le prolonger? Comment tu as perçu cette signature, cette annonce, du moins? Dans l'hypothèse où tu prolonges Anfernee Simons quasiment à ces prix-là, je trouve que quelque part, pour RJ Barrett, c'est un bon deal. Pour nous, en tout cas, peut-être pas. Je pense que je ne sais plus qu'il disait qu'il disait sur Twitter, mais que si on se rendra compte que finalement peut-être que ce contrat sera un bon contrat dans 2 3 ans en fait, ou Oui, en parce que effet le le prix, cap ouais. augmente, on voit il y a une inflation sur le prix des contrats. Hein. Enfin, je veux Et dire, les joueurs puis signent maintenant. faut partir du principe que faut partir du principe que qu'il va soit confirmer, soit s'améliorer. Il a quoi? Il a 21 ans, 22 ans. Donc, Il est tout jeune, notre voilà, Rowan Junior. il n'est pas encore dans son prime. Donc, je veux dire, quand il voit tous ses copains de QV qui ont tous signé des contrats mirobolants, bon, lui, c'est vrai, quelque part, il peut sembler un peu la cinquième roue du carrosse. Mais je trouve que c'était le move qu'il fallait faire. Enfin, il fallait le re-signer. RJ, c'est le visage désormais de la franchise, quoi. C'est depuis longtemps. C'est un visage. Est-ce que c'est le visage? Est-ce que c'est le visage? Est-ce C'est le qu'on lui visage donne peut-être. les clés en lui disant c'est toi le franchise player? Avec ce contrat, on le positionne comme étant le joueur qui va être le plus rémunéré. Alors attention, ça prend effet non pas cette saison Non. 2022-23, mais la prochaine. Hein. Ça Exactement, aussi, quoi. c'est Fin de la quelque fin chose de à avoir en tête. son. Le Knickerbocker qui va être le plus payé au démarrage de cette saison, à l'heure où on enregistre, c'est Jalen Brunson, qui a un contrat dégressif, lui, par ailleurs. Donc, il va devenir, s'il n'y a pas d'autres recrutements, d'autres trades ou d'autres opérations, il va devenir le Knickerbocker payé le plus cher. Mais est-ce que pour autant, ça en fait aujourd'hui, voilà, c'est toi le franchise player, on va construire tout autour de toi? Moi, c'est pas le sentiment, même si j'adore RG. Hein. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pour sa prolongation, pour lui laisser le temps de progresser. Il progresse et il montre de belles choses. Il a encore des marges de progression. Mais par la communication faite de Léon Rose, on voit c'est le profil de joueur sur lequel on a envie de construire. C'est le profil de joueur. C'est pas le Oui. joueur, la pièce unique, quoi. C'est pas le leader, le mâle alpha, c'est pas l'option numéro 1. À garantie. Je pense Donc, voilà, que il y a de la prudence aussi dans cette prolongation, dans la communication, ne pas lui mettre une pression en disant maintenant c'est toi qui dois nous faire gagner et justifier ce contrat, quoi. je pense que le déclic peut-être de Léon Rose, c'est les finales NBA de cette année. Et justement, le parallèle qu'on peut avoir avec Andrew Wiggins. Andrew Wiggins ça a vite été, donc bon, lui c'est un nous c'est un top 3, mais lui c'est un top 1 de C'est draft. un pick one de draft, Voilà, rookie de l'année, hein, rookie de l'année quand même, même si il bien a été sûr, trade dès son année rookie. mais le même si après il y a eu un gros contrat, il y a eu des difficultés à confirmer, ça a jamais été vraiment le franchise des Timberwolves. La preuve, c'est que ben, quand ils ont pu s'en débarrasser, ils ont fait partir. Ce contrat était devenu gênant, quoi. Donc, je pense qu'ils se sont dit, et c'est ce qui ressort un petit peu post-négociation trade, on en discutera après, c'est que pour l'administration Rose, on le voit plus comme une troisième option d'un contenders plutôt que comme le Voire un joueur. deux, voire un deux, un lieutenant, quelqu'un qui va aider plus que celui qui va être un game changer. Ça, ouais, c'est celui qui va s'enfader les missions défensives. Wiggins, d'ailleurs, il s'est révélé défensivement parce que il a surpris tout le monde au point de vue de sa défense, notamment en finale, et notamment aussi contre Dallas sur Doncic. Mais il a ces qualités-là, RJ, il a ces qualités aussi offensives. Maintenant, est-ce qu'il peut dépasser le cap des 20 points, 5 rebonds, 3 passes et porter en fait la franchise et devenir clutch comme il devrait peut-être l'être? Je pense que cette année, on aura L'avenir la réponse. nous le dira, et ça va aussi dépendre de ses coéquipiers, de voilà comment sont répartis un petit peu ces ballons d'attaque. Mais est-ce que ça va devenir le meilleur scoreur? Parce que finalement, hein, on va pas tourner autour du pot. Pour être considéré comme le franchise player, l'option numéro 1, il faut scorer le plus. Bien sûr. Hein, aujourd'hui dans la NBA, citez-moi un franchise player qui a un rôle défensif et qui se fait surpasser par un autre scoreur dans son équipe. Voilà. Donc, si on veut vraiment considérer RJ comme le franchise player, ça veut dire que c'est l'option numéro 1 en attaque, ça veut dire que c'est lui qui score le plus, c'est lui qui a les ballons en fin de match quand les situations sont clutch et qu'on a besoin d'un shoot. Il sait le faire, il l'a montré. Est-ce qu'il peut le montrer de façon régulière? Ouais, Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. il a montré de façon Il est encore sporadique, jeune, hein. il est encore jeune, il est On se encore jeune. rappelle ce panier contre Boston, mais Oh oui. est-ce qu'il est capable de renouveler l'expérience ou d'assassiner à lui seul un match? C'est-à-dire que ben, des fois, tu as le franchise sur le quatrième quart, c'est lui qui a tous les ballons, et il va rater trois shoots, et en fait, il va dégoûter l'équipe adverse parce que toi, tu vas faire des stops. Donc, est-ce qu'il en est capable? On l'espère. On l'espère parce que ça profitera aux Knicks. Ça profitera à Après, lui parce que. c'est un besogneux. Il a envie d'avoir ses petites histoires d'étoiles de All-Star. Hein. Il ne va pas se cacher derrière ça non plus. Beaucoup ont couru Ça fait après. partie des objectifs. À voir, à voir. Mais la saison prochaine va être importante par rapport à ça. Ce contrat, d'une certaine façon, le met à l'abri de tout pépin financier. Donc là-dessus, l'avenir est garanti lui concernant. C'est 4 ans, c'est pas si long que ça. Il aurait pu s'engager pour plus. Est-ce que c'est le clan Léon Rose qui voulait pas proposer plus, qui voulait garder de la marge de manœuvre, qui permet de Possible. renégocier un petit peu plus tard son contrat, un peu plus vite du moins que s'il avait attendu 5 ans. Donc à voir. En tout cas, c'est une bonne signature. C'est bien qu'il y ait de la continuité. C'est bien de faire confiance aux jeunes de l'équipe, parce que mine de rien, c'est un jeune et on lui fait confiance. Donc c'est très bien. Après, n'allons pas trop vite avec lui non plus en voulant le mettre à un niveau qui n'est pas encore celui qu'il Mais devrait après, avoir une fois qu'il atteindra son prime. quand je parlais de visage de la franchise, c'est le visage. Marketingment parlant, on va le Et voir puis, dans les médias, sur les opérations, sur les maillots, tout ça. moi, je le voyais plutôt sur l'affectif qu'ont les supporters vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que c'est Bien sûr. quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui est souriant, c'est quelqu'un qui ne fait pas de scandale à la presse, Qui répond aux médias, qui fuit pas les médias, au contraire, qui répond aux qui médias demande quoi. et qui semble faire consensus autour de lui. Donc là-dessus, c'est pour ça que je disais que c'était le visage de la franchise, le bon visage, hein, parce qu'on a on a le revers de la médaille Ah. avec Julius, qui lui, bon, on espère que cette année J'ai il va être les deux sur le maillot, hein. J'ai ressorti le maillot parce qu'aujourd'hui il n'y a voilà. pas beaucoup de nouveautés. Enfin si, il y a Jalen Brunson, mais bon, on va, hein. Et Mais Hartenstein aujourd'hui, voilà. et Hartenstein Stein quand même. Lui, j'arriverai jamais à prononcer son nom, donc on va, hein. Mais c'est pour ça, c'est vraiment ce qui ressortait beaucoup au point de vue de la fanbase pendant ces négociations avec Donovan Mitchell. C'était tout sauf RJ. Tout sauf RJ, et c'est vrai Gardons que RJ, ouais. c'était bon. Visiblement, Déjà. Léon Rose et sa clique avaient d'autres plans, mais les fans On va. Ouais. l'aiment tellement qu'ils ne voulaient pas que, en tout cas, ils soient sacrifiés, et ils ont été très heureux de l'annonce de la re-signature d'RJ, parce qu'enfin, on signe un premier tour de draft, enfin, on réfléchit un peu sur l'avenir avec des jeunes. Alors, pendant combien de temps, on sait très bien qu'on se trouve plus vite qu'ailleurs, Et mais... puis en NBA, les cycles sont courts. Hein. Des Oui. joueurs peuvent être signés, prolongés, et puis au bout de 2 ans, être trade et partir sur d'autres Bien joueurs. sûr. Donc tout peut aller très vite. Mais En en tout tout cas, cas, ça voilà, il y faisait a. plaisir que, voilà, que enfin on bâtissait, alors peut-être pas l'avenir sur RJ, mais en tout cas, on bâtissait le futur avec RJ. Parce qu'au moins, on passe plus trop pour des guignolos en se disant on draft des first round, on les fait pas signer, on les trade au bout de 2, 3 ans, je veux dire, voilà. Ouais, des guignolos. Les Knicks ont beaucoup de clichés sur le dos. Je vous prépare un petit article qui devrait arriver, bon, on va dire d'ici la fin de la semaine. Voilà, on essaiera de relativiser un petit peu tout ça. Faut voir qui on a drafté, est-ce qu'il y avait vraiment matière à les prolonger. Et puis, il faut aussi regarder un peu ce qui se passe dans les autres franchises NBA, parce que Bien voilà, sûr, les je Knicks pense sont pas dans que une tous. ligue. Et finalement, quand on regarde un petit peu plus près, des prolongations de contrat, c'est pas de rookie, du moins. Toutes les franchises ne prolongent pas leur rookie. Donc, loin de là. Donc, il faut le faire sur les Bah, tu joueurs sais qui le méritent, qui ont une très bien qu'on valeur, qui est ont un potentiel. assez stigmatisé là-dessus, quoi. Donc Voilà. voilà. Mais on essaiera de rétablir une part de vérité. Et Est-ce lorsqu'on qu'elle sera parle de entendue? l'histoire, c'est du factuel. Est-ce que cette vérité sera entendue? Ah, je me bats souvent contre les clichés, j'ai du mal. Hein, j'ai du mal. Est-ce qu'elle sera Allez. relayée? Ah, on verra, on fera le nécessaire. On fera le nécessaire. En tout cas, cet été, il y a un don qui a animé en long, en large, en travers. Tu nous Oh. as fait un billet d'ailleurs. On t'en a fait même deux billets. Il y a eu plusieurs articles sur le blog de l'association, donc on vous invite à aller relire ça. Au cas où vous auriez loupé un épisode, au cas où vous n'auriez pas eu certains avis de fans d'Enix. Alors les avis des uns des autres, hein, chacun son avis, se fait est sensible ou pas à tel ou tel joueur, à tel ou tel move, à telle ou telle direction que prend la franchise. Voilà, il n'y a pas de vérité absolue, si ce n'est les faits. Les faits, c'est que les Knicks sont dragués, les Knicks sont voulus, les Knicks sont essayés. Ils ont essayé, ils ont tenté, ça a duré longtemps. Il y a eu des négociations, des discussions, des mock trades, voilà. La trade machine, elle a marché à profusion cet été. Donovan Et on Mitchell, était tous à Spider. côté. Ben... Et comme c'est souvent le cas, hein, c'est souvent le cas. Tous les trades, toutes les rumeurs dont on entend parler, c'est souvent autre chose qui se fait à la fin. Bon, ceci dit, les discussions étaient sérieuses. Mais la prolongation de RG a accéléré les choses. La saga a duré longtemps. Il y a eu énormément de Photoshop. Mais les New York Knicks n'ont pas conclu un deal avec le Utah Jazz. Léon Rose ne s'est pas mis d'accord avec Danny Ainge. Et finalement, c'est les Cleveland Cavaliers qui repartent avec Donovan Mitchell et son contrat et son statut et son numéro 45 et son amour pour l'équipe de baseball des Mets. Oui. Voilà. Mais il voulait partir soit à New York City, hein, ça pouvait éventuellement être Brooklyn. Bon, on a évité le pire. Soit Miami, parce que bon, il fait toujours meilleur du côté de South Beach, c'est bien connu. Et finalement, il atterrit dans l'Ohio, à côté de Il Darius fait un peu plus Garland. froid, il fait un peu plus froid. Ouais, c'est un autre délire, c'est pas les mêmes soirées, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même vie. Mais bon, En même temps, il passe du pays des Salt Lake Mormons City, Il passe voilà. du pays des Mormons à Cleveland, mais là, il y a quand même un gap qui est passé, quoi. Pour l'instant, il a l'air de bien le vivre. Pour l'instant, il a l'air de bien le vivre. Il a remis à jour sa bio sur Instagram. Maintenant, c'est un joueur des Cleveland Cavaliers. Ça fait une belle équipe côté Cleveland, hein, on va pas se mentir. À voir où ça les mène, où ça les positionne dans cette conférence Est. Hein. Certains parlent de top 4, pourquoi pas Contenders. Doucement. Déjà, faut qu'ils jouent ensemble, on verra ensuite. Et puis, la conférence Est est plutôt dense. Il y a des équipes qui vont être revanchardes, il y a des équipes qui auront envie de confirmer. Donc, les Cavs, voilà. On rappelle qu'ils ont loupé les playoffs, sûrement par rapport à des blessures, mais ils ont loupé les playoffs l'année dernière. Donc là, l'objectif sera pour sûr pour eux de décrocher les playoffs. Alors est-ce que tu as les noms, est-ce que tu as le deal qui finalement a permis Cleveland de remporter ce Donovan Mitchell? Est-ce que tu as ça de tête, tu as ça sous les yeux? Moi j'ai quelques Alors, noms, moi, je vais essayer. j'ai ça Essayer de sous me les faire yeux. mal. Alors, j'ai ça sous les yeux. Donc, le deal comprend donc, Colin Sexton, qui a, en Qui fait, un, a... était était pas en odeur de sainteté, qui sort d'une saison Voilà. blanche. Alors, en fait, on est sur la base d'un sign and trade. C'est-à-dire Voilà. que dès que Sexton est arrivé à Utah, donc, ils l'ont fait re-signer. Je crois qu'il est sur l'ordre 4 ans. de 4 ans, 4 60, ans et à 72, 70 72, je millions de crois. dollars. Voilà. Ensuite, on a Lauri Markkanen. Donc, pareil, un talent européen un peu licorne, mais lui Un aussi Porzingis du pauvre, ou plus solide physiquement, mais du pauvre, je pas un sais peu pas. moins. Mais voilà, il connaît sa troisième franchise maintenant. Donc c'est vrai que Et bon, il faut le c'est rappeler, il est arrivé aux Cavs l'été dernier. Donc comme quoi, voilà, les joueurs. mais c'est vrai. Et Et donc puis. ensuite, Oshae Agbaji, donc le rookie drafté cette année. Ouais. Donc Qui lui était à un a... moment donné sur les rumeurs côté Knicks. Hein, lorsqu'on parlait de draft, de quel serait. tel ou tel joueur qui pourrait être susceptible d'arriver au Madison Square Garden. Okai Obagi, le champion avec Kansas, était voilà, un 3D un peu sur les tablettes d'Enix. Donc on n'a pas drafté, on aurait peut-être pu le mettre dans l'escarcelle, et puis finalement, bon. Et enfin, mais ça, les joueurs, c'est bien, mais ce n'était pas vraiment. Et enfin, voilà, les éléments les plus chers au cœur de Danny Ainge. Donc on a trois first picks non protégés, donc 2025, 27 et 29. Et deux swaps, donc qui s'intercalent au milieu, donc 2026 donc et tout, 2028. Donc 5 picks de draft, plus 3 joueurs, dont voilà. Un qui a été prolongé. Colin Sexton, on va dire qu'on est dans le profil un peu aussi type de Donovan Mitchell, hein. Un joueur de petite taille, hein. Parce qu'il faut le dire. Colin Sexton ou Donovan Mitchell, c'est des joueurs d'1m80-85, quoi. Hein. Mm. Ah, des grands joueurs, sur la taille physiquement parlant. Un joueur scoreur aussi. Et l'association, ça marchait pas trop avec Darius Garland, quoi. Donc bon, ils font pour sûr un upgrade en prenant Donovan Mitchell, mais ils restent dans un profil de joueur plutôt comparable, meneur-scoreur qui a besoin, enfin meneur, joueur de backcourt, scoreur qui a besoin de ballon pour s'exprimer. Colin Sexton qui était quand même plus qualifié de meneur à son arrivée à NBA. Alors que Donovan Mitchell était tout de suite en arrière. Donc, il a été un peu positionné sur le poste de meneur aussi, puis on lui a mis du Conley, on lui a mis du Rubio. Donc... Parce qu'après, il a la capacité à pouvoir porter le ballon, il a la capacité de création et au dribble. Mais c'est vrai qu'au début, quand Garland est arrivé, je crois que Sexton était déjà là. Et lui a été drafté l'année d'avant, si mes souvenirs sont bons. Donc tout le monde se posait la question de leur association, parce que justement, ça faisait deux meneurs et comment ils allaient pouvoir les associer. Bon, finalement, ils ont créé un backcourt avec deux meneurs, donc un qui a joué plus arrière. Ils ont fait un choix, ouais. Bah, ils ont fait voilà. Un choix après. Mais au fur et à mesure de la saison suivante, on a Sexton qui a ripé sur le banc et qui est sorti un sixième homme. Mais donc, on est sur un deal où c'est encore une fois les pics de draft qui sont surmis en avant, surexploité, c'est ce que voulait Utah pour sa phase de reconstruction. Ils avaient obtenu au final 5 picks de draft pour Rudy Gobert, ils en obtiennent encore 5, bon avec ces histoires de swap, mais au final ils prendront toujours le meilleur pick qui leur sera proposé. Les Knicks avaient beaucoup d'assets, on a vu passer énormément de rumeurs, des choses plus ou moins fondées, plus ou moins crédibles en fonction de tel ou tel insider, entre juillet et début septembre. Beaucoup de noms sont passés, beaucoup de combinaisons sont passées. RJ Barrett, semble-t-il, a été proposé. Après, il a aussi été demandé côté Utah. Je pense que les langues se délient, ou en tout cas que certains insiders ont peut-être pas forcément le droit ou de révéler tous les petits secrets, sauf que quand le deal tombe. C'est pour ça ouais, que quand... je suis pas persuadé que si début juillet on nous dit RJ Barrett est dans un trade package, je pense pas que le Shams ou le Woj ils gardent ça pour eux. Alors après ça sort maintenant, d'où ça sort qui dit ça, quel niveau de crédibilité de bah quand le Woj ces insiders sont crédibles. Ces insiders sont crédibles. Il n'a pas l'habitude à sortir des bien sûr. Mais quel était le niveau d'avancement de cette négo? Est-ce que c'était pas aussi du bluff des uns des autres pour voir jusqu'où aller, jusqu'où irait tel ou tel front? En tout cas, du Jazz ou du Denix. Beaucoup de médias. En tout cas, ça a traversé l'esprit d'une partie du front office. Beaucoup de dire médias. Que Ergie Barrett pouvait être sacrifié pour Donovan. Voilà, beaucoup de médias en tout cas se sont accordés à dire. Donc, je pense que c'est une vérité, hein, puisque. Lorsqu'une personne peut dire une chose, mais lorsqu'on en a deux, trois qui ne travaillent pas pour les mêmes journaux, bon, on peut penser à ce moment-là que, en effet, c'est une vérité, que la première offre, l'offre initiale de Leon Rose, elle est exorbitante. Asseyez-vous, est-ce qu'il y a, elle est, ça parle de qui? Ça parle de RG, Mitch Robinson. Obi, Mitch Robinson, trois tours de draft non protégés. Et pourquoi Daniel n'a pas accepté ça? Pourquoi n'as-tu pas accepté moi, ça? Moi, je pouvais en avoir plus encore. Moi, parce je pense, que c'est l'Enix. Ouais, moi je pense que bon déjà d'une, évidemment il y avait une sorte de taxe Nix qu'il avait lui-même imposée, c'est-à-dire qu'on devait payer plus que les autres. Parce que c'est New York, parce que c'est une grosse ville, parce que si Donovan arrive à New York, ça va être une méga star à New York, on va entendre parler de lui, donc il y aura un côté, il va être encore plus valorisé que s'il va dans un petit marché. Et on peut estimer dans ces cas-là que presque Danny Ainge a perdu le trail, quoi. Ce que je pense pas. Parce que moi, de mon avis, c'est si on avait fait. Ainge nous a sauvés. Ainge, de son péché de gourmandise, nous a sauvés. Moi, je pense qu'on. Il a fait un choix. Mais si son but était d'obtenir plus que Rudy Gobert. Il n'a pas obtenu plus. Il a obtenu des joueurs. Est-ce que ces joueurs sont plus valorisés que ce qu'il a obtenu dans le package pour Rudy? Peut-être, mais en termes de pick, il en obtient l'équivalent, en fait. Là, il obtient trois role players sous le trade de Donovan Mitchell. S'il avait récupéré le premier package, il obtenait donc un joueur quand même, RJ Barrett, assez fort, tout de même. Hein, je veux dire, je pense qu'intrinsèquement, il est quand même plus fort que Colin Sexton. C'est un top pick 3 draft. On espère, en tout cas, nous. Il a quand même plus de bagages dans son jeu que Colin Sexton, rien que déjà défensivement, athlétiquement. Je pense, voilà. Et récupérer dans ce package aussi le pivot titulaire des Knicks. Donc, il récupérait quand même deux bonhommes, potentiellement dans son top, dans son équipe starter, sur lequel il pouvait bâtir. Nous, puisque nous, la preuve, c'est que nous, on leur fait confiance pour être le futur de chez nous. Donc, on leur filait deux de nos titulaires. Qu'est-ce que donne Cleveland? Ils ne donnent pas les titulaires. Ils ont donné des remplaçants. Nous, on donnait deux titulaires. Ceci dit, l'asset qui a le plus de valeur à court terme côté Jazz, c'est leur propre pick de draft. Et pour ça, ils n'ont pas trop intérêt à gagner des matchs. Opération tanking, on sait que comment ça va se passer côté Utah. Il y a un certain Victor Wembanyama, je vais écorcher son nom, désolé pour lui, qui est annoncé comme étant voilà, un talent générationnel, une sorte de unicorn bis, mais voilà, un joueur à très fort potentiel et sur lequel beaucoup de franchises lorgnent déjà. Utah, OK, ici, pourquoi pas, hein, les Spurs. Notre histoire, les Spurs aussi. Donc il y a une certaine envie d'aller vers ces first pick de draft. Donc ils n'ont pas intérêt à gagner beaucoup de matchs. Est-ce qu'en récupérant RG, on allait lui demander de perdre des matchs, on allait le mettre en mode load management, je suis pas sûr. Est-ce qu'il aurait fait gagner beaucoup de matchs dans la conférence Ouest? Est-ce que ça les empêchait de poser ça dans l'Edge, de récupérer RJ Barrett en nous dépouillant, de récupérer RJ Barrett et l'été suivant de le refourguer pour récupérer des autres picks? Parce qu'après, soyons honnêtes, si on nous dit à un moment donné, je vous propose un joueur All-Star qui s'appelle Donovan Mitchell, vous avez quoi comme valeur marchande à mettre en face côté Knicks? On pense à RJ Barrett, un joueur à un potentiel, pas encore de calibre All-Star, mais qui a la prétention à le devenir. Ça paraît évident, entre guillemets, d'un point de vue purement business, de dire, filez-moi votre valeur marchande, vous n'allez pas me filer Jalen Brunson, que vous venez de signer. Julius Randle, j'en veux pas, il fait la tronche, donc voilà. Donc, qui reste-t-il côté Rooster Denix pour faire le deal? RJ Barrett, c'est la valeur marchande la plus haute. En tout cas, c'est celui qui paraît évidente quand on regarde le roster. Après, en tout cas, c'est celui qui a été. On peut se dire Obi Toppin, mais c'est quand même un ton en dessous largement aujourd'hui de RJ Barrett. Donc, ça paraissait pas déconnant que le Jazz veuille RJ. Ça paraissait peut-être pas déconnant que on essaye un upgrade en prenant un All-Star confirmé par rapport à un All-Star en devenir. Mais voilà, il y avait aussi ce contrat de RJ qui pourrait demander le max. Donc est-ce que l'administration Rose est prêt à s'engager sur la long terme? L'administration Rose, c'est pas eux qui ont signé RJ. Donc c'est toujours plus compliqué lorsqu'en fait. En partie, il y a Scott Perry qui est toujours pardon. Mais c'est pas Léon Rose, je sais qu'on l'oublie. Il fait les cocktails en bas, pardon. Mais donc, c'est pas l'administration. Mais Scott Perry, c'est devenu le patron. Donc, c'est lui le président, même si c'est omniprésident, c'est lui qui dirige tout. Visiblement, ils aiment bien RJ, à ce que j'ai pu lire encore sur d'autres médias, que ce soit au New York Post ou quoi. C'est qu'ils aiment bien RJ. Comme je disais tout à l'heure, ils savent pas trop où est-ce qu'il se situe entre un Wiggins ou un Butler. Alors attention, je vois large, hein. Je ne mélange pas Butler avec RJ Barrett, attention. Mais je vois large. Voilà, donc ils ne savent pas trop où est-ce qu'il se situe. Ils ont des doutes quant à sa capacité athlétique, en tout cas en pouvant franchir les lignes, et à sa capacité de pouvoir tuer les matchs, en tout cas de pouvoir être clutch. Donc là-dessus, eux n'étaient pas contre l'échanger. Je sais que visiblement Scott Perry, lui, voulait le conserver. Donc derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier mot, c'est le président qui l'a. Et lui, visiblement, il a mis KMRG un peu à toutes les sauces dans les packages pour Danny Ainge. Là où ça a coincé, c'est surtout en fait sur les tours de draft. Parce que finalement, ils s'étaient plus ou moins mis d'accord sur un package qui concernait RJ Barrett, IQ, un autre joueur, alors ça on ne sait pas encore le nom, mais je pense que Ah, il y ce a eu pouvait être. plusieurs combinaisons à passer. Hein. Ouais. Ça pouvait Il y avait être Evan Andrews Fournier ou quoi. aussi. Il y avait Evan Alors, Fournier pour les histoires de salaire. visiblement, il y avait peut-être deux joueurs au contrat, en tout cas finissant, et donc il y avait un Evan Fournier au milieu. Et même là, Leon Rose était en discussion avec une troisième équipe pour justement faciliter le travail au Jazz. En leur disant, voilà, on vous file Evan, mais en fait, Evan, il part derrière contre notre mec, contre notre tour de draft que vous allez récupérer. Bref, visiblement, Leon Rose leur a mâché le travail. Là où ça a coincé, c'est que Leon Rose avait mis donc une protection. Alors, on ne sait pas si c'est top 4 ou top 5 sur le troisième first pick. Et Ainge, lui, était pas d'accord. Lui, il voulait du pic pur, voilà, du 100% Pas pic. protégé et tout, Voilà. ouais. Lui, et ça a discuté, et là-dessus, en fait, ils sont pas arrivés à tomber d'accord. Et c'est pour ça que la dernière offre qui est sortie dans les médias en disant, donc, RJ plus IQ plus ça, mais en fait, c'est plus ou moins ce qui a été proposé par Rose, mais avec la protection. Et Ainge ne voulait pas de protection. Donc, à Cleveland n'a l'issue, pas mis de ben, protection sur il ses n'y a picks, aucune hein. protection. Après, pour eux, ils n'en ont pas besoin, en vrai dire, puisqu'aujourd'hui, ils ont le cœur de leur équipe est jeune. Ah oui. Evan Mobley, Darius Garland, Okoro, Jarrett Allen. À quoi bon rajouter un haut pick de draft, puis Ben c'est pour ça c'est pas leur que dynamique, en fait. Donc, si on était autant avancé que dans notre reconstruction, parce que là, nous, on filait quand même deux joueurs majeurs de notre 5. Eux, on ouais, filait puis. des joueurs de rotation. Et puis Donc, si tu prends Donovan Mitchell, c'est pour performer, c'est pour Mitchell. accrocher les playoffs, c'est pour plus être le tripique. Donc cette histoire de protection top 5, si tu te retrouves à être top 5, c'est soit que tu as une chance pas possible à la loterie, ce qui nous arrive plus depuis, hein, soit que tu as eu un problème dans ta saison, tes joueurs étaient blessés, tu as loupé ta saison, et donc du coup tu Ouais, t'en mais sors oui, par un mais lot de consolation avec un pic haut, je suis mais d'accord, c'est curieux quoi, c'est curieux comme approche. mais en donnant, je suis d'accord, mais en donnant RJ, en donnant Obi, bon, même si Obi, il a ses 15 minutes, mais en donnant IQ, qui est aussi un joueur important de la rotation, en donnant Evan, je veux dire, je suis d'accord, mais tu te déploies complètement pour un mec. Et en plus de ça, tu donnes tes pics. Donc, si ça foire parce que tu n'as personne d'autre, tu donnes tout, tu fais all-in sur un Oui, joueur oui, oui. sans avoir de mec derrière pour l'accompagner. Si Mais il Julius faut. et Jalen Brunson, tu gagnes pas un titre avec juste trois mecs. Il faut une équipe. Il faut une équipe. Et le problème, c'est que là, Oh, tu donnes ton équipe. je suis entièrement d'accord qu'on ne gagne pas un titre avec juste un joueur. Ça fait belle lurette que ça n'existe plus en NBA, voire ça n'a jamais existé. Il faut un collectif fort, il faut du vécu. On a vu une équipe à Brooklyn qui a rassemblé beaucoup de noms. Et pour autant, pour l'instant, il n'y a pas de titre. Ils en auront peut-être, je ne sais pas. J'en souhaite, enfin, je l'espère pas, dans mon fort intérieur. Mais voilà, les équipes sur le papier, ça ne gagne pas des matchs. Donc il faut plus que c'est des équipes sur le papier pour gagner des matchs. Il faut du talent, c'est certain. Après, il y a des talents qui se payent au prix fort. Rudy Gobert, ça se paye au prix fort aujourd'hui. Donovan Mitchell, ça se paye au prix fort. Dejounte Murray, ça se paye au prix fort. Malheureusement, c'est la réalité du marché. Et en plus, lorsque une équipe comme les Knicks se pointe avec j'ai 11 first pick de draft à venir sur les 7 prochaines années, Voir la plus qualité des 11. pics qu'on a récupérés. Faut voir la qualité, mais le volume est présent. C'était nos pics qu'on Forcément, donnait, au hein. C'était moment. pas des pics qu'on avait récupérés, hein. Bah, parce qu'on voulait en refourguer certains, mais ça intéresse moins, on est d'accord. Mais en tout cas, les équipes avec qui on s'assoit à la table des négociations, elles savent tout ça. Elles savent le volume de pick. Et elles veulent le max, et surtout quand elles ont déjà obtenu le max de pics possible sur des trades précédents. Donc la négociation était compliquée. Il fallait aussi matcher les salaires un peu parce qu'il n'y avait pas forcément la place dans le salary cap. Il y avait du jeune talent à lâcher, à sacrifier ou pas. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Mais tu C'est sais, une occasion, une opportunité de louper dans les faits, puisqu'il n'y a pas eu. Voilà. Mais à la fois, on a encore tous nos assets. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on en fera demain? Ça, c'est une autre question, ça. Mais après, tu parles des transferts de Gobert et de Murray, mais on n'a pas, ils ont pas donné des titulaires dans leur trade. Hein. Parce que c'était des petits marchés. Enfin, les attentes des uns et des Parce autres n'étaient que pas forcément les mêmes. nous, on a peut-être moins de choses à proposer aussi. Peut-être quand, peut-être Peut-être parce que nos jeunes, qu'affectivement. on les voit beaux, parce qu'on les aime bien, et Exact, qu'ils c'est ne ce que sont j'allais dire. pas si valuables que ça aux yeux Après, des autres franchises. est-ce qu'on les a mis suffisamment en valeur aussi? C'est le serpent qui se mord la queue. Mais C'est toujours un éternel débat. le problème, c'est En que tout cas, il va tu falloir. donnais des. Je finis juste là. Les autres équipes ont donné des remplaçants et des piques. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé de filer des piques. Hein. Pour monter une équipe, ça ne m'aurait pas dérangé de filer des piques non protégées, il n'y a pas de problème. Mais donner des remplaçants et pas donner nos titulaires. Ça, par contre, on aurait fait le trade avec la première mouture. Là, par contre, ça m'aurait dérangé. Parce que, encore une fois, on aurait fait Allez. une Melo-like. Voilà. Ah là là, mets le like. Il y a un article sur le blog qui parle de ça. Le... Il y a des éléments de comparaison qui peuvent s'en apparenter à effectivement un mélo like trade et puis d'autres qui sont légèrement différents. On vous invite à lire ça si vous ne l'avez pas lu. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ce trade n'a pas eu lieu. Non, Donc non, non, on repart avec voilà. notre équipe et la Mais il va falloir entre les se jambes. projeter sur l'avenir et sur les conséquences éventuelles de ce no trade. Moi, je te propose d'en parler sur la deuxième partie de l'émission. On se projette un peu? Allez, c'est parti. Allez, on essaye, on se projette et on regarde ce qui nous attend maintenant, une fois que ce trade n'est pas fait et tout ce qui va arriver pour l'Enix. C'est parti. Alors voilà, on l'a pas fait ce trade, on l'a pas fait ce trade, et ben voilà, il nous reste nos assets, et il nous reste les trollers prêts à se moquer encore d'Enix. Ha ha ha, vous n'avez pas chopé votre joueur, les Photoshop, il y en a eu plein. Bah ouais, c'est ça le business de la NBA, ça se passe pas forcément tout le temps comme on a envie. Et si on Parce l'avait que pris, et si Léon on l'avait Rose est en pris, on aurait PLS. fait. Et si on l'avait pris, on a fait, ah, vous avez surpayé, bande de nuls! C'est Bah ça. ouais, mais les autres ont payé le même prix, je comprends pas, quoi. Je comprends pas pourquoi cette différence d'appréciation. Ouais, vous avez un bac court d'1,85 m? Bah ouais, Darius Garland de Donovan Mitchell, ça fait la même taille. Donc voilà, il y a une appréciation toujours différente lorsqu'on parle de d'Enix, souvent de mauvaise foi. C'est pas grave, on fait avec, on vit avec. Ça nous empêche pas de supporter l'équipe, de l'apprécier, Bien sûr que non. d'apprécier les joueurs qu'on a, qui restent, qui vont se battre avec leurs moyens du bord pour essayer de faire gagner l'équipe. Et puis voilà, je pense pas que la saison est déjà à mettre au mode Non, oh tanking non, non, comme non. certains l'annoncent. Hein. Il faut tanker, il y a que comme ça Mais qu'on non, s'en sortira. pourquoi? Hein, Pourquoi? voilà. Je veux dire, elle est pas moins cette équipe qu'on a, elle n'est pas moins forte que l'équipe qui nous a amené au playoff en 2009. Donc Ah, on entend aussi le fameux, ouais, c'était à cause du Covid, vous avez eu de la chance. Ah là là là là. Mais en tout Mais cas, une elle n'est pas saison. moins forte que la saison, l'équipe de l'année dernière. Rappelons qu'on a gagné 37 matchs dans la difficulté, dans la contre-performance. On a tout de même enrichi le roster avec de bons joueurs. Hein. On a des joueurs qui On vont verra ce que s'améliorer. va. On va revoir ce que va donner Jalen Brunson. Mais en tout cas, c'est plutôt une plus-value et un upgrade. Donc Exactement. les Et je suis joueurs se persuadé sont. que Grimes va faire une belle surprise. Alors lui, il va être attendu parce que d'une certaine façon, il a été un peu protégé dans différents trades. Là, Il a on parle de été Donovan Mitchell. archi protégé, oui. Mais Tibbs pour un ne joueur voulait pas le que... donner. Tibbs ne voulait pas le donner. Rose ne voulait pas le donner. Et il n'a jamais été mis dans aucun package. Pour un joueur que tu apprécies qui s'appelle Cam Reddish, il n'avait pas non plus été donné. N'avait pas été Donc donné. il a montré des choses lors de la Summer League. À voir, à voir. Il y a un potentiel. Est-ce que c'est un futur Klay Thompson? Hein? Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il peut monter à ce niveau-là. Limite, Est-ce c'est que peut-être c'est un pour ça qu'on le futur garde. Danny Green? Je Je préfère verrai. Klay Thompson dans l'histoire quand même, Oui, non, mais d'accord, mais si tu veux, en termes de talent, je vois plus dans l'oreille de Danny Green, c'est-à-dire vraiment le type, même s'il a ses qualités de finisseur, mais défenseur et le gars dans le corner qui t'enquille les filoches, Klay Thompson, c'est quand même. Je dis pas, Faut j'espère, mettre la mais. barre haut, comme ça au pire on arrive un peu en dessous et bon voilà, Voilà, on mais verra. faut On verra de quoi l'avenir sera Alors fait je pour alors je vais pas me Quentin mouiller, Grimes. hein, je vais pas mouiller, je ne mettrai pas mon salaire, mais ceci dit, je suis prêt à parier quand même ma collection de cartes de basket que ça va peut-être pas forcément devenir un Et je sais que ta collection a de la valeur. Mais bon, ça Klay c'est un autre sujet. En tout cas, voilà, il y a des joueurs qui ont été gardés. Moi personnellement, hein, je vais vous donner mon avis, même si je le donne à droite à gauche d'une certaine façon, mais je vais le dire à l'oral et puis avec voilà, ma tête. Moi j'étais pour que le move se fasse. Alors pas le move où on sacrifie RG, hein, bien sûr. Mais j'estime que Léon Rose s'est mis dans une position où il a collectionné certains assets. Et que là, maintenant, bon, bah, très bien, on n'a rien perdu parce qu'on n'a pas perdu ses assets, on n'a pas surpayé. Mais finalement, on a les assets sur le bras. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on attend la prochaine star? Parce qu'il y a toujours cette envie, ce besoin, je ne suis pas sûr. D'ailleurs, c'est des gentils ESPN qui disaient la quête de Donovan Mitchell, c'était plus par envie que par réel besoin. Et c'est pas faux. Mais voilà, quand un joueur calibre All-Star, me parlez pas de franchise player, hein, moi, des franchise players qui se retrouvent sur le marché, j'en connais pas. Hein. J'en connais pas. Mais voilà, quand un joueur de calibre All-Star se présente, il va falloir mettre le prix, il va falloir mettre beaucoup, on a des assets, il va falloir se resservir de ces assets. Là, on a montré, entre guillemets, d'une certaine façon, jusqu'où on pouvait aller en termes de négociation. Demain, s'il y a un Devin Booker qui se sent mal, qui a envie de partir, s'il y a un Karl Anthony Town, s'il y a qui d'autre, un Bradley Beal, un Shai Gilgeous, un Shai Gilgeous Alexander, après ils sont pas forcément tous à mettre sur le même range. Non, mais voilà, c'est lui. Si un tel joueur se présente, c'est ce nom qui ressort. Qu'est-ce que va faire Léon Rose? Il va mettre moins? Il va mettre plus? Les négociations, elles se sont un petit peu rendues publiques, même si c'est des rumeurs de machin, tel a dit que, il y en a un qui sort une. Bon. Mais les autres dirigeants, les autres franchises, ils vont savoir ce qu'on a en réserve. Ils vont savoir jusqu'où on peut aller. Ils vont vouloir remettre... ah bah je te file un Shai Gilgeous-Alexander contre un RJ Barrett. Tu fais quoi? Tu dis oui, tu dis non. Tu dis bah non, là sur le coup, je vous mets que deux piques. Ça va être compliqué. Hein. Je pense qu'il y aura indirectement des conséquences à ce non-trade. Les joueurs, comment vont-ils le vivre? Ça fait partie du business NBA. Certains le découvrent. Des Obi Toppin, des Emmanuel Quickley. Qui eux d'ailleurs se retrouvent qui vont se retrouver en fin de contrat rookie. Est-ce que on leur donne plus d'opportunités? Est-ce qu'ils vont plus se jouer la saison prochaine? Et RG aussi, parce que je pense qu'ils se pensaient protégés. Oui, et en même temps, s'il avait été vexé de cette situation, il aurait pu dire moi la prolongation, je la prends pas. Hein. Oui. Il aurait pu aussi. Hein. Donc vis-à-vis d'RG, je pense que voilà, le discours en interne a été aussi clean avec lui. S'il voulait plus, il aurait pu faire le bras de fer pour demander plus. Hein. Il était peut-être aussi en position 2. Il y avait aussi la stratégie d'attendre jusqu'au bout du bout. D'autres franchises, je pense par exemple aux Phoenix Suns. DeAndre Ayton, c'est DeAndre. Oui, parce qu'après, faut pas oublier qu'il a été au bout du bout. Il a eu des propositions. Ils ont surenchéri. Donc, faut pas oublier qu'à la fin de son contrat, il aurait été restricted free agent. Restreint. Restricted, ouais. Et donc, Phoenix avait encore la main sur le dossier, quoi. Ils auraient été la main. Ils auraient pas eu la main sur le montant, mais ils auraient eu le dernier mot. Et ils auraient été susceptibles de payer plus que ce qu'ils vont payer, le payer la main. Ouais. Donc, du coup, c'est un gentleman agreement. Tout le monde s'est mis d'accord pour le bon montant, la bonne somme. Maintenant, ça permettra pour lui de renégocier plus tôt, comme les salaires. Après, ce qu'il fera ses 4 ans. Après, ce qu'il fera ses 4 ans au Knicks. Ça. Ça, c'est une autre histoire. Les cycles NBA, c'est compliqué. Est-ce que même Donovan Mitchell va faire ses 4 ans restants au Cavs? Il y a 3 ans, il reste. Ouais, c'est 3 plus 1, non? C'est ça? Player option sur la dernière. Enfin bon, bref, 2025, ouais. Il peut se retrouver être sur... Et peut-être qu'à ce moment-là, il sera libre et pourra signer au Knicks. C'est-à-dire à 30 ans, ouais, moi, c'est bon, je voulais jouer au Knicks, vous n'avez pas voulu la fois d'avant. Voilà. Bon, le business NBA peut se faire et se défaire. Mais en tout cas, ça laissera quand même un précédent. C'est un coup avorté, loupé d'une certaine façon pour moi, pour Léon Rose. Après, est-ce qu'il fallait sacrifier RJ Barrett? J'y étais pas favorable, clairement pas. Mais est-ce qu'il fallait pas mettre ces 4 tours de draft? Je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, ces pics, on va pas drafter les jeunes. On va pas drafter des rookies, non. Autant de rookies sur les prochaines saisons. Non. Parce qu'on n'a pas besoin de rajeunir, parce que les pics seront pas forcément hauts, parce qu'ils ont des multi-protections qui font que, bon, on les prendra en bonus, mais... Est-ce que ces pics vont servir à finalement dumper le contrat de Julius? Est-ce que c'est à ça que ça va servir? Dumper le contrat d'Evan parce qu'à un moment donné, on voudra faire autre chose? C'est. Voilà. Je ne sais pas si on a besoin de dumper. Je sais pas si on a besoin de dumper Evan. Evan a un profil qui peut plaire à beaucoup peut-être d'équipes. Pas, hein. Peut-être pas. Entre Julius et lui, je veux dire, un mec qui, alors peut-être en effet, qui a des carences défensives, mais qui à côté de ça, offensivement, a une énorme palette. Et en plus, l'a montré cette année, il a rajouté ce tir à trois points fiable à distance NBA. Donc, encore lui, Julius plus. Si Julius ne revient pas à son niveau, je pense que lui, en effet, il va pouvoir se poser la question. Parce que Obi, je pense que Obi peut être dans la charrette de n'importe quel package. Obi est, sympa, Obi a montré pas mal de choses. Est-ce Et qu'Obi Obi a pas... aujourd'hui, sa progression est freinée parce qu'il y a Jojo sur le poste. Sa Donc, progression est freinée, on mais a est-ce qu'il a vu pas, est-ce des... qu'il a pas atteint ce qu'il pouvait faire? Je veux dire, en effet, sur les 5 derniers matchs, c'est sympa, il éclate tout le monde, c'est rigolo, mais enfin, ça joue plus. Est-ce que Obi peut clairement encore step up? Je veux C'est quoi le dire. plafond d'Obi Toppin? C'est quoi le plafond d'Obi Toppin si tu lui donnes des minutes de Est-ce que l'opportunité? Obi, c'est un starter dans une Est-ce que équipe? Obi c'est un créateur? Ah, beaucoup de questions autour d'Obi Toppin. Il y a beaucoup de questions autour des joueurs des Knicks, Au au début, sens certains large. pensaient que c'était un Stoudemire Stoudemire. 2.0, mais force est de constater Parce qu'il n'a que pas. physiquement, Oui. il ressemble, parce que c'est un dunker. Voilà, il y a certaines similitudes dans la pression de son jeu, dans l'appréciation. Après, il n'a pas joué non plus avec un meneur type Steve Nash, type Marbury. Voilà, donc ou Jason Kidd. Donc on verra, effectivement, il y a Bon, encore en de tout la cas, progression possible si on lui donne du temps de jeu. Mais aujourd'hui, c'est ça qui manque à Obi Toppin. on verra son impact avec Jalen Brunson. Là, pour le coup, on Ouais. récupère un meneur dans la force de l'âge. Et ça, On a c'est un ce peu que. pu le voir en Pro Am là à New York, même s'ils ont perdu, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, il y a peut-être un début d'alchimie qui est en train de se créer avec une partie des joueurs des Knicks. Il faut voir C'est très qu'aucun bien. des joueurs de cette équipe n'a joué avec un meneur. Alors, on parlait de D-Rose, mais D-Rose, il a 33 ans, 34 ans, je veux dire, maintenant, il est à la fin. Mais avec un meneur de cette qualité, comme je l'ai dit, que ce soit sur les réseaux, ou ce que j'ai pu lire aussi, c'est jusqu'à présent, les meneurs avec qui RJ, Julius, ou tous les joueurs qui sont là depuis 2, 3 saisons, 4 saisons, c'est Elfrid Payton, c'est Kemba Walker-Ramsey. C'est Frank, bon ben voilà. C'est Alec Burks parce qu'il a fallu mettre un meneur. C'est Deuce, mais sur des petites séquences, c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est un Rose, mais pareil, qui l'année dernière a été blessé et qui, voilà, Qui a commence très peu joué, vraiment. qui a très très peu joué. Kemba Walker a joué plus de matchs que Derrick Rose la saison dernière. Voilà, bah C'est oui, bien moche à sûr. dire, mais Ah, bien sûr. c'est la réalité, quoi. Donc là, cette Sachant que année, Kemba était, hein, bon. toute notre équipe va avoir un meneur, un vrai meneur. Je vois, j'espère que Scoreur quand voilà. même, hein, scoreur, on est d'accord qu'il est là pour mettre des Oui, points et. bien sûr, scoreur. Mais c'est un meneur dans la force de l'âge. C'est un meneur qui n'arrive pas à rincer. C'est un mec qui est bon à son poste. Voilà. Donc, oui, ok, on pourra me dire que c'est pas peut-être le profil de meneur qu'il nous fallait. Mais en attendant, c'est un meneur qui sait jouer à la main. Et qui va écouter parce que c'est un joueur intelligent et qui va écouter ce qu'on va lui demander de faire. Alors oui, il va continuer à attaquer le panier, à être agressif. Oui, on pourra dire ses Ouais, carences défensives. il va pas tourner à 10 passes par match, hein. Ouh Il là a là pas là, on aurait trop. une révélation. Non, mais l'avant-dernière passe. Mais Voilà quoi. plutôt qu'on ait un Julius Randle qui soit meilleur passeur de l'équipe à 5-6 passes par match, moi je préfère que ça soit plutôt un Jalen Brunson Bien sûr. qui retire ses passes à Julius, que la création se fasse plus par l'initiative de Jalen Brunson, qui est là pour ça, il a signé pour ça, c'est pas non plus l'option numéro 1, mais il va apporter ce sens du jeu au niveau de l'équipe, quoi. Donc Et qu'on joue avec nos ça intérieurs. va être intéressant de voir la dynamique qui va s'installer avec ce type de poste 1, en relais des Quickley, des Derrick Rose, en fonction de l'état de forme des uns des autres. Voilà, mais effectivement, du coup, est-ce que ça va donner plus de ballons, plus d'opportunités à Obi Toppin? Voilà, quel est tant qu'il y aura Julius Randle et Obi Toppin, il y a un problème de Voilà. disponibilité des minutes. C'est la cohabitation qui est compliquée parce que bah, on peut pas donner du temps de jeu aux deux en même temps, quoi. C'est pas possible. Moi, j'ai toujours dit, il nous faut un poste 3. Alors, beaucoup réclament Cam Reddish. Moi, Cam Reddish, j'estime qu'il est. Enfin, après, c'est mon avis. Alors, Y a une décision à prendre par rapport à lui. Il y a on une le décision suit, à prendre par on rapport le à lui. suit, on le suit pas. Mais pour moi, c'est un mec qui est claqué. Après, voilà, je sais que je vais me faire incendier de la part d'une partie de la fanbase. Mais un mec C'est pas grave. qui fait pas un tiers de saison depuis qu'il est à NBA. Qui est même lorsque sa fin de NCAA était décriée, qui a un gros manque de mental, et c'est ce qu'on reproche à Julius, mais pour Julius, ça passe, pas pour Cam Reddish. C'est Moi, pas la même attente, la même responsabilité, mais Cam Reddish, si on peut ouais. s'en séparer, il n'y a pas de problème. Et je pense que si pour avoir un vrai poste 3, un free handy, un vrai mec, un vrai défenseur à ce poste-là, et rebasculer RJ en 2 pour aider Jalen Brunson sur les backcourts, qui va être en difficulté à la défense, ben, moi, je suis prêt à sacrifier Obi pour essayer d'avoir Obi, moi, je suis prêt à le sacrifier pour avoir ce poste 3, qui pour On moi, n'a rien nous sans rien. On manque. n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. On va pas renforcer l'équipe. Est-ce qu'il y aura des moves déjà d'ici le lancement de la saison? C'est pas certain. Ça, il y a des rumeurs autour de Evan Fournier. Il y a des rumeurs autour de Cam Reddish, effectivement, qui intéressait les Lakers à un moment donné. Il y a des rumeurs, mais ce qu'on a eu tout le temps autour de Julius Randle. Moi, j'y crois pas. Je pense pas qu'il va bouger d'ici là. Hein. D'ici la trade deadline, il peut se passer beaucoup de Non, choses. Son début de saison va être important de voir comment, dans quel état d'esprit il est. pour Mais l'instant, voilà. ils lui font confiance à Jules. Ils On l'a partent. vu, lors du déplacement de la délégation à Dallas. Il faisait partie du petit groupe, alors c'est un gars de Dallas, Voilà. donc ok. Il était à la Summer League. Bon On l'a programme. vu dans les petits matchs d'été et tout. Donc il a l'air d'être encore. Il fait partie du Il est plan aujourd'hui à appliqué. court terme. Voilà. Le long terme en NBA, c'est encore autre chose, mais voilà. Tout va dépendre Il de dans quel état de forme physique et mentale. aura ses Mais. 35 minutes de jeu, je suis quasiment sûr, à la rentrée. Et limite, si on veut s'en séparer, si le front office veut s'en séparer, qu'on le remette un petit peu plus dans un meilleur état, voilà, qu'on l'expose en montrant qu'il est redevenu un peu plus bankable, Et si tu as les qu'il Knicks top revenu un 8 peu plus dans l'état dans lequel il était avant, et puis après, ça lui donnera de la valeur, et s'il veut partir, c'est aussi dans son intérêt, Et donc. si t'as les Knicks top 8, en février avec un Julius rayonnant, ben on se dira ben merde, oui d'accord, bon ben Julius on va peut-être le garder un peu, ou en tout cas pour l'instant il reste avec nous. Donc On va tout ça encore c'est attendre un petit peu pour les projections oui, non mais d'avant-saison. tout On ça ce aura une sont des vidéo suppositions. là-dessus, mais Mais ce effectivement. que je veux dire c'est que des fois on a tendance à vite mettre sur le pilori des personnes. Sans prendre en considération d'autres aspects à côté. Oui, Julius, il y a un dernier là-dessus, hein, moi le premier, c'est un joueur que j'apprécie encore. Je fais partie des optimistes en lui disant que je pense que lui-même a été extrêmement déçu de ce qu'il a produit, de ce qu'il a fait dans son comportement, il va vouloir revenir avec parce que même pour lui et pour je veux dire, Prendre en charge, quoi. Il a été mis en haut de l'Empire State Building et tout le monde l'a adulé et son effigie, son idole a été brûlée aussi sec la saison suivante. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi penser que des joueurs, ce sont des êtres humains. Peut-être que la saison dernière, il y a eu des choses. Il y a eu la naissance de son deuxième enfant. Peut-être qu'il ne faisait pas ses nuits. Peut-être que ça a empêché. Je ne sais pas là. Il jouait mieux à l'extérieur qu'à la maison. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui expliquent ceci. Mais ce que je veux dire, pour moi, je pense qu'il va vouloir revenir. Je vais peut-être me tromper, hein. Je suis pas devin, c'est mon avis. Mais je pense qu'il va vouloir revenir avec un meilleur état d'esprit, même au point de vue du groupe, parce qu'il a vu qu'il était quand même en marche du groupe et que c'est Ah, il s'est RJ qui isolé, avait ouais. Ouais. et c'est RJ qui avait récupéré tous les copains. Lui, maintenant, il était à côté. Je pense que là, il va vouloir se donner une nouvelle Et image. c'est en ça où je dis cet été, les petites apparitions sont importantes parce qu'on Il l'a a vu toujours dit qu'il voulait avec une gagner avec les partie des Knicks. joueurs, voilà quoi. Donc, et il a réaffirmé son Bien envie de sûr. rester là où de l'autre côté du pont, il s'est passé tout un tas d'histoires. Et là maintenant, tout le monde repart comme si de rien n'était. J'ai voulu la tête du coach, du GM. Mais c'est bon, vu que j'ai C'était pas une pu blague, partir, en fait. allez, LOL, c'est allez, on repart. Et Donc pouce. bon. Donc effectivement, jugeons sur les actes, jugeons sur les faits, sur les résultats. Ça va être important ce début de saison. Le calendrier NBA a été communiqué, donc c'est sympa. Les Knicks joueront à Noël. Certains ont dit, oh mon Dieu, pourquoi les Knicks, c'est nul, ils sont claqués les Knicks. Bah ouais, désolé si les Knicks c'est bankable et désolé si faire Noël à New York c'est plus sympa que faire Noël, je sais pas, dans le Texas ou ailleurs, j'en sais rien. C'est la dure réalité, mais oui, les Knicks à Noël, c'est une sorte de tradition. Il y a des années où les Knicks ne sont pas programmés, là ils reviennent, Non. donc c'est pas les Hawks, Oui. tant pis, hein, Trae Young, finalement ta saison dernière était peut-être pas si folle que ça non plus, hein, faut croire. Donc voilà, donc Non, et le puis calendrier est tombé. ils ont joué à Noël contre nous, on les a battus. Donc, je veux dire, il n'y avait aucun Ouais, en intérêt de plus, mettre un donc rematch. donc les gars ils veulent leur match de Noël, bah ouais, on leur a donné leur chance quoi. Mais voilà, en tout cas le calendrier est tombé, les attentes sont importantes. Est-ce qu'il y aura, voilà, des traces qui vont rester de cet épisode avorté de Donovan Mitchell? L'avenir le dira. En tout cas, les joueurs connaissent aussi le business NBA et sauront comment réagir avec ou vont à l'apprendre. En tout cas, il y a également une actualité Et toi, en ce moment. ton avis, toi. Toi, tu Moi, penses mon avis. que. Que ça va Toi, laisser des tu penses qu'il traces? y a un move qui se prépare? Non, qu'il va y avoir un move? Il... Avant le training camp? Non, pas avant le training camp ou alors quelque chose à la marge, mais en tout cas, un vrai move avec les assets, non, c'est trop tard, là, c'est loupé. Il y a eu les négos qui ont été faites pendant 2 mois. Après, c'est Donc tu rendez-vous à penses la que là trade c'est mort, il n'y deadline. a plus... C'est rendez-vous à la trade deadline, ça va dépendre des résultats de l'équipe. Mais là, non, ça sera des ajustements à la Comme il se marge. murmure, là, Il y un a qui a eu la mûri, un truc comme rumeur. ça. Ah, ou pourquoi? Ou pourquoi? Non, le groupe, voilà, on repart avec ce groupe. D'ailleurs, voilà, chacun se fera un peu son idée de quel sera le starting five. On en parlera dans une prochaine vidéo où on se projettera sur les résultats de l'équipe, sur où on place les Knicks dans cette conférence Est. Mais pour moi, non, il n'y aura plus de move. Certains voulaient voir Carmelo Anthony arriver. C'est encore une vieille histoire. J'ai encore lu une Sans info ce matin, là. Donovan Mitchell, ça paraît peu probable. Ça paraît vraiment peu probable. Et puis, pour jouer au poste 4, c'est compliqué avec déjà Julius Randle et Obi Toppin. Donc. Et Carmelo avec Thiel, ça marche comment? C'est Tibbs, est-ce qu'il a son mot à dire sur toutes les décisions de la construction des rosters? C'est De toute façon, encore il y a autre de chose. fortes Ouais, chances autre aussi que chose. ce soit sa dernière année à lui. Il est sur la sellette au même titre que Julius Randle. Ça va dépendre des résultats de l'équipe, de la façon dont c'est apprécié au niveau du groupe. Est-ce qu'il y a une cassure au niveau des joueurs et du coach? Il a des choses à prouver maintenant. Son contrat garanti l'était sur les 3 premières années. Donc, effectivement, il y a une sorte de résultat, d'objectif sur les résultats. Ça va être intéressant. C'est toujours intéressant de suivre les Knicks, mais il y aura encore On beaucoup de s'était discussions de potentiels mouvements. amusé, toi et moi en off, à jouer à un jeu qui nous pla qui plaçait les Knicks sur le Sur classement de l'échiquier de la de la conférence conférence Est. Est. Et plus ou moins, d'accord ou pas, on aurait été Je veux pas en parler maintenant. Je veux pas en parler maintenant. sur un range 8-10. Est-ce qu'un range Ah ben. 8-10, ça sort la tête de Tibbs? L'objectif, comme la saison dernière pour moi, c'est de retrouver les playoffs. C'est d'inscrire l'équipe des New York Knicks comme étant un Même par le participant play-in. régulier aux playoffs. Après, s'il faut passer par le play-in, de toute façon, c'est une réalité aujourd'hui en NBA. Il faut passer par le play-in pour être en playoff. C'est pas parce que tu passes par le play-in que ta qualification en playoff, elle est moins glorieuse. C'est une réalité, il faut y faire avec. Et moi, je suis partisan du play-in parce que je trouve que ça donne de l'enjeu à la saison, ça mobilise plus Ah oui, des je suis équipes d'accord. sur un C'était une range bonne plus surprise, large. ça. C'est mon avis, hein. Après, ça donne de la compétition. Certains disent, ouais, mais t'imagines, t'as lutté toute la saison pour être 7e et enfin 8e, pardon, et tu perds ta place au play-off parce que tu te fais gratter sur la fin. Bah ouais, c'est une réalité. Il faut être performant tout du long et pas négliger les matchs et pas faire du load management. Et voilà, il y a aussi ça qui a changé maintenant dans cette nouvelle formule NBA. Et C'est puis, un fait, bah, faut l'accepter. il fallait être dans ces cas meilleurs pendant le play-in si tu voulais pas te faire sortir par le top 10. Tout à Donc, fait. Et la saison dernière, les Pelicans arrachent les playoffs en passant par le play-in. Tant mieux, c'était mérité. Ils ont aussi peut-être une meilleure dynamique sur la fin de la saison, donc ça les a récompensés par rapport à ça. C'est pas pour autant que leur place n'était pas louable une fois arrivé en play-off. Donc, voilà, ça donne plus d'objectifs à un range un peu plus large au niveau des équipes. Donc oui, il faut être dans le top 10 pour espérer jouer les play-offs. S'il faut passer par les play-in, bah, Les il faut Timberwolves aussi gagner passent ces matchs. par les Timberwolves aussi passent par les. Et après, Aussi, ils avaient fait aussi. de très beaux playoffs après. Même s'ils perdent, ils avaient fait de beaux playoffs. Voilà, donc, par contre, je sais plus, je crois que les Wolves ont terminé 8e, mais en tout cas, ils ont sécurisé leur place, en tout cas. Oui, voilà. Donc, oui, l'objectif pour les Knicks, c'est encore de finir top 10. Le plus haut tu finis, mieux c'est. Si tu peux être dans le top 6, tant mieux. Bon, ça va être compliqué, hein, on va pas se mentir. Mais il peut y avoir des contre-performances, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir de bonnes surprises. Est-ce qu'on va refaire top 4? Je pense pas, hein. Voilà, je miserai clairement pas dessus. Non. Mais ne nous voyons pas plus moche avant d'avoir joué que ce Ah qu'on ben sera pour l'instant. la cote combinée, quand Ingram devient le futur Klay Thompson et on finit top 4, elle te rend millionnaire. Il y a des gens qui ont été très riches à l'issue de la saison du We Here où on termine quatrième. Hein, donc voilà, on verra. Bien sûr, on n'est pas contenders. Bien sûr, viser une place, hein, ça va être compliqué, mais dans le top 6. Mais attendons de voir comment la saison se goupille. On a une En équipe tout de cas, bons gars qui vont. en attendant, il y a un championnat d'Europe aussi. On a des joueurs des Knicks qu'on Bien sûr. retrouve. Evan Fournier en tête, le capitaine, qui a eu un début de campagne un petit peu compliqué. Alors, à l'heure où on enregistre, il y a une victoire, une défaite contre l'Allemagne qui Une fait prépa complètement du tout. compliquée, un début d'euro compliqué. Mais un beau match, un bon rebond face à la Lituanie, même si c'était dans le combat, dans l'opposition, et une belle équipe de Lituanie où on a pu voir un Rokas Džiokubaitis. On a pu retrouver Ignas Brazdeikis pour ses plus grands fans. On a pu retrouver Mindaugas Kuzminskas. Kuzminskas. Kuzminskas, un peu moins à son avantage. Mais en tout cas, voilà, il y a pour l'instant une victoire, une défaite dans ce groupe. Un match à l'heure à laquelle on enregistre contre la Hongrie ce dimanche soir. Et puis la Slovénie qui va arriver, la Bosnie aussi. Donc, attendons de voir un peu quelle dynamique on retrouve. Mais Evan qui s'affirme un joueur d'équipe, comme Captain. ce qu'il a pu montrer, un capitaine, mais qui peut scorer quand il a besoin, qui peut élever son niveau de jeu. Donc, c'est intéressant aussi de suivre cette campagne européenne. Et Evan, c'est ce qui nous a manqué un peu l'année dernière, c'est que Tibbs l'a trop cantonné à son tir à trois, alors qu'il a des qualités de passage, de lead, pour pas, de pénétration, de drive qui sont exceptionnelles. Et je trouve qu'il les faisait très bien à Orlando. Et cette année, on l'a un peu muselé à ce rôle-là. Et je trouve ça dommage parce que il a vraiment voilà, des super qualités quoi. Oui, mais voilà, il y a un temps d'adaptation, puis bah, c'est pas les mêmes teammates, c'est pas le même système de jeu, donc il a fallu pour lui qu'il s'adapte. Il s'est Ah bien oui, mais adapté, moi bon, il bat un record de 3 points au passage, si je lui ai mais demandé, c'est un tu joueur tires à 3 d'équipe. points à sortie d'écran, c'est ce qu'il a fait. Ouais, Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on ne lui ait pas demandé plus. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais il a quand même ces qualités-là de pouvoir finir au cercle. Et l'année dernière, on l'a pas trop vu. C'est pas de sa faute, hein, attention. Mais je veux dire L'accès au que cercle est compliqué quoi qu'il arrive. Il est compliqué quand tu as un Mitchell Robinson qui sait pas faire autre chose. Et quand tu as des RG, des Kemba, des Julius qui veulent y aller de temps en temps aussi. Donc ah, bon, faut trouver un équilibre et cet équilibre faudra encore le retrouver la saison prochaine. mais Evan, de toute façon, si on veut aller loin pendant cet euro, ça passera Ah, ça uniquement passera par. par ses performances et Rudy Gobert aussi, qui a quitté le Jazz, qui était soi-disant, voilà. Le maillon fort du Jazz, bah voilà, il a du mal en ce début d'euro aussi, hein, il a du mal. Mais bon, Ben, quatre bons hier, c'est pas, enfin, pour lui, c'est c'est pas pas ouf, digne quoi. d'un standing d'un joueur à 200 millions, un multiple défenseur de l'année, mais voilà, c'est pas les mêmes oppositions, le jeu FIBA c'est différent, il l'a L'euro est attendu. long. L'euro est long, donc voilà, on va pas tout de suite crier au scandale, mais les joueurs ont besoin de montrer plus, surtout sur certains. Et faire de Et meilleurs donc débuts de nous. match, de meilleures entames, Et ça, Onyx, on l'avait aussi. On l'avait aussi. hein. Et les prochains rendez-vous, bah, ça va être la pré-saison qui démarre au mois d'octobre. Donc après l'Euro, on a Détroit Pistons, Indiana Pacers par deux fois et Washington. On va retrouver l'ami Porzingis. Donc ça, c'est le programme de la pré-saison. Donc voilà, vous avez le calendrier, vous le connaissez, ça va arriver vite. D'ici là, il y aura une petite vidéo où on essaiera de vous faire bah, nos prévisions, hein, nos projections. Est-ce qu'il y aura des moves entre-temps? Moi, je pense pas. On va attendre un petit peu de voir, mais ça permettra d'essayer de définir une sorte de hiérarchie des objectifs. Bon, je les ai déjà donnés. Pour moi, c'est les playoffs. Est-ce qu'il faut passer par le play-in? C'est pas impossible, mais c'est l'objectif de la saison, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et voilà, on va vous redonner rendez-vous bientôt sur les antennes de KNFTV. On va rechanger un petit peu le décor. Là, il y a Vavan dans le dos qu'on a pu croiser sur des matchs de l'équipe de France. J'ai pu croiser quelques membres de l'association. C'était un plaisir de pouvoir vous voir en province, à droite, à gauche. Voilà, bah écoute, on a fait le tour sur une bonne émission. Spida, c'est pas pour nous. Spida, ça sera aux Cavs. RJ, c'est pour nous. RJ, on va l'attendre. Et Spyda, puis saison 2 dans 3 Ouais, coming home le retour. Et puis ans. j'aimerais terminer sur une petite formule qui est de dire que si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. On a une belle équipe, on a de beaux joueurs et c'est eux qu'on doit supporter. Et puis voilà, on verra de On quoi les aime, l'avenir nos sera kids. fait. Mais voilà, à eux de maintenant de nous montrer, de nous prouver qu'ils sont capables de faire gagner l'équipe. Et je suis sûr que c'est possible. Bien sûr. Sur ce, portez-vous bien. Seb, à bientôt. On risque de Salut te Joanie. retrouver. Sur les réseaux, sur le blog, peut-être sur nos antennes, on ne sait pas, on verra. Ciao On vous réserve quelques petites choses, quelques petites surprises pour la rentrée. Alors sur ce, portez-vous bien et puis bah, let's go Knicks! Stenix. Ciao ciao!